يزور الفيرات الصباح بالأطار فيرات خيروه كاتل وفيرات خيروه كل المطلوب واجه ربي أنا لا أكبر ودي صلى زي أوكي برافو ام اوزو دوبل ار الفا Digital mode, grosse villa, notre de Issa encore pillage. Dans tous les trafics bizarres, je connais mes classiques pillages. Négro en village, P-A-K-E-L village. Quand tu me regardes, tu vois le best numéro 7, y'a le visage. Le rap français, j'arrête pas que le tien. Abusez-moi si vous êtes primaire, moi pas que le tien. Ancien de ces chiens, battu et sale dégaine. Je suis à Bercy pendant ta carrière, se coupe les veines. Toujours en guerre, affronte l'équipe et suis de sale défaite. Hamilton me tweet, tu m'y donnes à la sale défaite. Hier t'es frais, demain ton swag t'es sèche. Doggy style passe toujours crème, même si t'en restes tes fesses. La concurrence existe peu, crois pas que le truc est lié. J'ai des rappeurs, flag et rap, tu es des putains baisés. 45, en tant qu'à vous, l'enferme fait pas. Autant je disparais dans la foule comme un hard pick-up. Menotté au radiateur, je ne sais que nier. Garde n'a jamais mal au cœur, si on s'est en de billets. N'est qu'une vitesse, la marche à vos enculés. Une seule parole, une seule vie. Même de easy matriculé. 23, Chicago Bulls, testo de taureau. Derrick Rose, grand-mère tatouée sur les pectoraux. Bip Coro, le rap français est une salope. Donc elle n'a pas de mari. Juste un match, Benoito, Benoito. Vitre noir et célèbre, riche noir et célèbre. Gallardo, M3, M6, Séverine Ferrer. Je m'élève comme roue arrière en CR. J'en ai un peu les serrères. J'suis pété d'une, pas pété d'air. Calibré comme un L-Sanchez. Peux faire long feu comme Johnny Hallyday. Rien que j'encaisse. On parle peu, clic bas, pas de grand geste. Des numéros d'offre, rien que toi à mode. Rien que j'encaisse. La concurrence existe peu, crois pas que le truc est levé. J'ai des rappeurs, plein des rap, tu es des plus affectés. 45, en tant qu'à vous, l'encart ne fait pas. Pourtant je disparais dans la foule comme un hard pick-up. Venant d'être au radiateur, je ne sais que nier. Garde n'a jamais mal au cœur, sur un séant de billets. Je n'ai qu'une vitesse, la marche à vos enculés. Une seule parole, une seule vie, c'est de easy matriculé. Père de deux couilles sur la bleuta. Oh oui, je vais apprendre français, mais plus d'ici ça vient. Oh oui, superstar comme MC Solar. Caroline, Krillin Swat contre Vilain Swat. Shaolin, c'est un problème, y'a pas de problème, on règle ça. Cabriolet sera ta boîte crânienne, on aime ça. 10 ans ferme, plus remise de Ben, 6 piges. Westside, converti au pied ensemble, 10 keys. Bitches, on ne passerait pas la nuit. Je les baisse sur siège et je tape, ce sera la vie. Combien ont voulu me dénoncer, m'arrêter dans ma lancée. Car on s'expresse comme fiancé de Beyoncé.